Aquí se engana de mi man, je ne fais que dire la vérité. Est-ce que j'ai menti, je ne fais que dire la vérité. Aquí se engana de mi man, je ne fais que dire la vérité. Après premier Kamoula, tu veux m'assassiner. Aquí se engana de mi man, je ne fais que dire la vérité. Est-ce que j'ai menti, je ne fais que dire la vérité. Aquí se je n'ai pas entendu. Voilà mon ami à qui j'ai donné tous les conseils. Oh, faut jamais chercher femme dans le mois de décembre. Parce que en décembre, elles ont deux choses dans la tête. Comment fêter le 24 et le 31 décembre. Adieu, fais pas ma chandelle. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Yeah, elles vont me tuer. Après la tête, elle cherche à Dima. Je vais te gawa, c'est la porte de Dieu. Janvier, oh, y'a pas d'Adima. Février, oh, y'a toujours pas d'Adima. Mois de mars, y'a pas d'Adima. Avril, oh, c'est la tout dégâtée. Tout pas si la gueule, les mains, ils voulaient faire poisson d'avril, oh. Elle a pêché pas partout, on peut pêcher le poisson. Yeah, elle va me tuer. Ça va pas bien. Wah, wah, wah, elle va me tuer. Il est plus net à la gueule. On a qu'à arrêter. Quoi? À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Ah bon? Le gaou teste la go. Alors qu'il vient d'Abidjan, faut jamais la tester. Dès qu'il a dit ça, la go a crié de joie. Oh. Il dit je m'amuse, la go dit tu as menti. Adieu, fais pas ma chandelle. C'est parce qu'il a parlé trop bizarre. Les gola vont me tuer, oh. Wah, wah, wah, elles vont m'assassiner. Il dit à la go, c'est un poisson d'avril, oh. Faut pas prendre ça à mal. Elle dit tu as menti. Même si c'est Kabil de janvier, Chamon de septembre, Crocodile de novembre. A qui ça? Adieu, fais pas ma chandelle. C'est parce qu'il n'y a pas de provision. Je n'ai fait que dire la vérité. Coron à nous, je n'ai fait que dire la vérité. Qui c'est? Eh bien, Cornel, je n'ai fait.